Cette émission est présentée en rediffusion. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La dernière porte à gauche. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La dernière porte à gauche aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, émission du 5 juin 2009. Je m'appelle Kiwon et dans la prochaine heure, comme d'habitude, il va y avoir seulement de la musique francophone et j'ai quelques nouveautés pour vous. Aujourd'hui, entre autres, j'ai découvert quelques trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, juste aller sur le web, aller sur MySpace, entre autres, trouver des trucs pas trop connus, pas trop construits non plus, avec pas d'album qui existe, là, des trucs un petit peu rares. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débroussaillage. Donc, j'en ai fait un peu cette semaine et ça a rapporté quelques trucs intéressants, dont entre autres le petit Ben. On va entendre ça, une pièce du petit Ben dans la prochaine heure. Il va y avoir aussi une nouvelle pièce du Nombre parce qu'ils ont sorti un nouvel album. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de nouvel album du groupe Le Nombre. Donc, on va en entendre dans l'émission. Mais pour tout de suite, on va commencer avec une pièce du groupe Éléphantine qui vont être en spectacle, eux, la semaine prochaine, le 13 juin. C'est du côté de Montréal. Par contre, c'est pas ici, c'est dommage, mais je vous en parle parce que c'est vraiment dans le cadre de l'événement Fringe Pop. Ou je sais pas trop comment dire, fringue pop ou fringe, fringe pop. Je pense que je dirais plus fringe pop finalement. Donc donc c'est un événement qui a lieu dans le cadre du festival Pop Montréal. Et puis c'est ça, si vous voulez jeter un coup d'œil sur la programmation, allez faire un tour sur le www.unechance.com. J'ai écrit un petit article là, bref, juste pour donner toute la programmation, parce que la programmation est vraiment très très intéressante. Et samedi prochain, le 13 juin, pour ceux qui aiment la musique alternative francophone, eh bien, il y a entre autres Éléphantine, Polype et Patrick Plot, des artistes qui jouent ici assez fous, qu'on aime beaucoup. Donc c'est quand même un beau trio, je trouve, pour un petit samedi après-midi, mais vraiment toute une programmation quand même assez longue et bien détaillée. Allez faire un tour sur le www.unechance.com et en même temps, j'en profite pour vous rappeler que c'est l'endroit où vous pouvez télécharger les balado-diffusions des émissions de Mathieu Plante, de moi aussi, et trouver plein d'informations, quelques articles de blog. Donc, c'est au www.unechance.com et on commence tout de suite avec Éléphantine et la pièce En attente d'un moment présent. À la dernière porte à gauche. rasé tes plantes. J'ai tout mis tes choses dans un coin, plié ta robe de chambre, débranché ton réveil matin. Depuis le mois de septembre, j'avais une sorte de petite angoisse qui montait dans mes jambes et m'enlevait un peu de mon entrain. J'arrose encore tes plantes, je leur mets de l'engrais comme tu m'as dit. Puis des fois quand ça me tente, je leur joue un peu de bâton de pluie. Depuis le mois de novembre, j'ai comme un petit surplus de temps. C'est bon parce que mes jambes voulaient courir depuis longtemps. J'pense qu'entre nous deux, c'est fané. J'me sens soulagé maintenant. Tu faisais de l'ombre depuis trop longtemps. Des gros sourcils. Depuis le 3 décembre, j'ai comme une sorte de bon ami qui connaît rien aux plantes. Je lui enseigne ce que tu m'as appris. T'es venu récupérer tes boîtes d'hier en fin de journée. Quand t'as vu tes plantes, ton sourire m'a rempli de fierté. Depuis que les jours allongent, j'ai fait un retour à la terre. Je repose un peu mes jambes, je me suis moi-même mis en jachère. Parce qu'entre nous deux, c'est fané. Je me sens soulagé maintenant. On se faisait de l'ombre depuis trop longtemps. T'en as pas, riche en papier, pauvre en scène. veux m'en parler, la vie n'est pas belle. Richard Barnet, pauvre en scène. Tu peux m'en parler, la vie n'est pas belle. C'était la pièce « T'en as ou t'en as pas » de Paul Corniello. Ça, c'est extrait d'un album. En fait, je ne sais pas si ça se retrouve vraiment sur l'album complet de Paul Corniello. Moi, ici, je l'ai sur l'album « Rêver logique » qui est une compilation de 12 chansons engagées pour un Québec sans pauvreté. Si vous voulez plus d'informations, consultez donc le www.pauvreté.qc.ca. Vous en saurez plus sur ce projet communautaire-là. Juste avant Paul Corniello, on avait entendu une pièce de Trois gars sous sofa. Je vous le rappelle, si vous écoutez en direct les vendredis, il vous reste peut-être encore un peu de temps. En fait, moi, j'anime l'émission ici jusqu'à 9h, puis j'essaye l'exploit un peu loufoque d'essayer de me rendre aux Zénobes puis de me trouver une place. Mais j'ai comme l'impression que ça va être peut-être un petit peu plein, mais vous avez le temps, vous, si vous écoutez tout de suite, allez faire un tour aux Zénobes. Trois gars sous sofa sont là ce soir avec leur tournée de la crise économique. Ça coûte seulement 5$. Puis vraiment dépêchez-vous parce que c'est pas très grand Zénobes. Je pense que ça va être pas mal plein. C'est la pièce « À l'ombre » qu'on avait entendue il y a quelques minutes du groupe Trois gars sous sofa, extrait de leur nouvel album « Cerf-volant ». Maintenant, on va aller écouter une pièce du nouvel album du groupe Le Nombre. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu de pièce du groupe Le Nombre, qui fait un rock toujours assez garage, assez énergique. Cet album-là est assez fidèle à leur son, en fait, est très fidèle à leur son. L'album s'appelle Ville et Fantastique. Puis c'est vraiment un groupe à voir en spectacle, ça, Le Nombre. Le chanteur est complètement déjanté. Le son est pas si dur et puis si fou que ce que ça peut avoir l'air sur scène. Là. Vraiment, on écoute ça. Quand on écoute l'album, on se dit oui, c'est du rock, ça brasse beaucoup, c'est très énergique, mais sur scène, là, c'est encore pire. Là. C'est pas pire dans le sens positif. Là. Vraiment, c'est un groupe à voir en spectacle juste pour voir toute l'énergie qu'ils sont capables de dégager avec cette musique-là. Donc, on va écouter la pièce Taquitte. C'est la première pièce de l'album Ville et Fantastique du groupe Le Nombre. Et ça va être suivi de Martin Priorité parce que je trouve, moi, en tout cas, quand j'avais entendu l'album de Martin Priorité, je trouvais qu'il y avait quelques petits liens de parenté entre les deux sons. Donc, on va écouter Le Nombre pour commencer et Martin Priorité tout de suite après. N'insiste plus, chérie, n'insiste plus sur tout ce maquillage. Affronte-nous. Ne parle plus, chérie, ne parle plus. Allons-y. Yeah! C'était les gars sur la piste de danse du groupe Martin Priorité. Je trouve que l'énergie, en tout cas, est assez semblable. Le son, en général, ressemble un peu au nombre. Quoique la pièce donc, qu'on a entendue est un petit peu moins rough que certaines pièces qu'on avait connues déjà. Peut-être un petit raffinement quand même assez léger du côté du nombre. Mais en tout cas, c'est quand même un bon album. Ville est fantastique, nouvel album du nombre. Et pour ceux qui seraient intéressés d'avoir plus d'infos sur Martin Priorité qu'on vient juste d'entendre, ben, vous pouvez aller faire un tour sur le www.cefou.ca dans la section balado-diffusion parce que les gars de Martin Priorité sont venus faire un tour dans les palmarès de pas longtemps, ça fait environ 2 semaines de ça. Donc il y a une entrevue qui est disponible en balado-diffusion sur le www.cefou.ca avec une petite perfo live aussi. Elle a fait une belle pièce originale là, qui se retrouve pas d'ailleurs sur l'album, une pièce acoustique dédiée à Marimé. En fait, c'était pour dévoiler leur amour pour Marimé. Donc c'était un beau petit moment, ce que vous pouvez aller télécharger sur le www.cefou.ca. Maintenant, on va changer un petit peu de style. On va aller dans un rock un petit peu plus pop, un petit peu plus populaire, oui, pour le prochain artiste qu'on va entendre, c'est Pat Fraser. C'est un album qu'on a reçu cette semaine ici à C'est Fou. Donc, on va aller entendre la pièce Amour Marécage de Pat Fraser à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Bye. Vous êtes toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche en compagnie de Kiwan. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un artiste que j'ai découvert cette semaine sur Internet, comme au début de l'émission, je le disais. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça, juste découvrir comme ça un artiste qui a pas d'album, qui a juste un petit projet comme ça sur MySpace. Je le faisais souvent au début de l'émission ici. Puis je sais pas pourquoi, depuis les derniers mois, depuis quand même un bout de temps, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti quelque chose comme ça d'intéressant. C'est toujours le fun de faire une découverte parce qu'il y a tellement de trucs qui sont mauvais sur MySpace quand on commence à fouiller. Mais c'est le fun quand on découvre quelque chose d'intéressant. Et puis j'ai fait une belle découverte cette semaine. C'est un artiste qui se produit sous le nom de Le Petit Ben, mais en fait, son nom c'est Benoît Rochelot. C'est un musicien qui a travaillé avec plusieurs artistes, avec entre autres Urbain Desbois, Tricot Machine, Danny Placard, Plywood Trois Quarts, Les Apartistes. Et puis, il a parti son projet musical à lui, donc il appelle ça Le Petit Ben. Et on va entendre la pièce Vient-en tout de suite du Petit Ben, dit Le Petit Ben ou Benoît Rochelot. Donc on écoute Va-t'en à la dernière porte à gauche. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, l'ordre, le prélord décollé. La lumière du poêle illumine la vaisselle sale accumulée. Y a une mouche qui agonise, blessée par un rond allumé. J'entends du bruit dans l'escalier. Pour moi, Denise vient d'arriver. Chaque jour tu claques la porte, t'enlèves tes souliers puis tu cours dans ta chambre pour te déshabiller. J'entends l'eau du bain couler, tout d'un coup je me mets à chez Denise, laissez-moi un message, je vais vous rappeler. Dany Placard avec la pièce Cuisine qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, c'était Lily Dissa avec la pièce New York Froid. Lily Dissa qui est un groupe qui a participé au Francouvert cette année, mais qui s'est pas rendu très loin. Je pense qu'ils ont pas franchi la première ronde. Mais quand même un très bon groupe. Lily Dissa avec un petit démo avec 5 pièces dessus. C'est vraiment très bon comme compo, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Je trouve que pas assez, en fait. Ça devrait jouer même plus ici dans cette émission-là. Je pense que c'est la première ou deuxième fois que je fais jouer du Lily Dissa, mais c'est vraiment très bon. Et avant Lila, on avait entendu le Petit Ben avec la pièce Vient-t'en. Si vous voulez plus d'infos et entendre les pièces du Petit Ben, vous allez au www.myspace.com/le-petit-ben. Tout simplement. Et vous savez, j'en ai parlé un petit peu tantôt, le Petit Ben qui est le projet solo d'un musicien qui joue avec plusieurs artistes connus. Et puis dans cette veine-là, j'ai fait une autre découverte cette semaine. C'est David Brunet qui est réalisateur, surtout réalisé les albums, entre autres le dernier album de Trois gars sur le sofa. Ils en ont même parlé dans l'entrevue qu'ils ont donnée dans les palmarès ici, un peu plus tôt. Autre que Trois gars sur le sofa, il a réalisé les albums de Cœur de pirate, Daniel Boucher, Tricot Machine, Frank Fuller. C'est aussi... C'est aussi le principal artisan du projet Antonio, qui est un collectif musical. Si vous voulez plus d'informations en fait sur Antonio ou sur toutes les choses que David Brunet a fait, vous pouvez aller au www.myspace.com/David Brunet. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre une pièce de son œuvre tout de suite, de son projet solo. C'est des pièces instrumentales. Il n'y a pas de paroles, mais c'est vraiment très, très bon. Donc, on va écouter la pièce qui s'appelle STR de David Brunet tout de suite à la dernière porte à gauche. Thank you. Xavier Caffeine avec la pièce Montréal. Xavier Caffeine, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Son album, son seul album solo, en fait, est sorti. Ça fait presque 4 ans de ça. Mais par contre, c'est ça, il y a un peu de nouveau. Pas de date de sortie, pas de sortie d'album prévue concrètement, mais il a commencé à faire des spectacles. Il y a quelques dates, 4 ou 5 dates d'annoncer dans le mois de juin. Et puis, je sais que j'avais eu un reportage, une entrevue avec lui l'hiver dernier. Et puis, il était vraiment en train de préparer un nouvel album. Donc, s'il a commencé à faire des spectacles, c'est probablement pour commencer à roder du nouveau matériel. Donc, peut-être, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être un nouvel album de Xavier Caffeine l'automne prochain. Mais c'est vraiment mon feeling. Il n'y a absolument rien d'annoncé encore. Donc, on va attendre des nouvelles pour Xavier Caffeine. L'émission est presque terminée. Je vais vous passer une dernière pièce. En fait, c'est d'un artiste qui s'appelle Roucote. C'est un artiste français que j'ai découvert aussi cette semaine parce qu'en fait, il va être en spectacle à Trois-Rivières prochainement. C'est le 24 juin, la date de la fête nationale. Donc, je ne suis pas sûr s'il était au courant que c'était la fête nationale le 24 juin. Mais en tout cas, ça se peut qu'il y ait d'autres intérêts cette journée-là que d'aller voir un artiste français pas trop connu au Charlot. Mais bon, c'est quand même ça. Il va être au Charlot ici avec... le 24 juin, avec un autre artiste français. En fait, c'est deux artistes là, qui viennent faire une petite tournée québécoise. Et puis, donc, c'est ça, Gilles Roucote, c'est l'artiste qu'on va entendre tout de suite, en fait. Ouais, peut-être. Peut-être pas, finalement. Donc, en fait, le spectacle est le 24 juin, donc c'est assuré que je vais avoir la chance de vous en faire passer. Mais là, j'ai un petit problème, je suis pas sûr que je vais réussir à faire passer mon MP3. Je vais l'essayer, puis sinon, si jamais Gilles veut pas coopérer, ben on se reprendra la semaine prochaine pour Gilles Roucote, qu'on aura la chance aussi de voir en spectacle le 24 juin. Donc, c'est ça, on s'essaye avec Gilles Roucote pour finir l'émission. Sinon, ben ce sera une pièce de la descente du coude, absolument pas dans le même style. Mais bon, ce sera ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à 17h pour les palmarès et à 20h pour la dernière porte à gauche. Si vous écoutez en direct les vendredis soirs, c'est les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Et moi, je m'en vais voir 3 gars sur le sofa. Bye bye. Bonne semaine. Le sable de la piste est rouge encore du sang d'hier. La jeune trapéziste a goûté au croc des panthères. Tout autour de l'arène tourne 100 chevaux en furie. Le dompteur se démène pour calmer la ménagerie. En surveillant bien ses arrières, mon cirque a mauvais caractère. Avant-hier, c'est le clown qui avait avalé son trombone. Ses blagues de mauvais goût ne faisaient plus rire personne. On a trouvé Auguste écrasé par les éléphants. Mon cirque, et je vous jure, un cirque et pas un jeu d'enfant. Enfin ne l'est plus en tout cas. Car certains disent qu'autrefois, combien d'années déjà que je trimballe de par le monde ce cirque renégat dans cette fuite vagabonde. Combien eut-il de meurtres commis sur sa piste en secret. Et pour nourrir la meute, combien de remords, de regrets. Mais de garder cloîtrés les fauves, combien quand même de vies sauves. Y a jamais de police, force de l'ordre ou de l'État. De juge qui se glisse ici pour y dicter sa loi. On recouvre le crime d'une mince couche de sable. Et ni raison ni rire ne rendent les fauves domptables. Monsieur Loyal tourné s'inquiète. Mon cirque n'en fait qu'à sa tête. Il y a longtemps, bien longtemps qu'on n'admet plus de spectateurs. Vous êtes là pourtant, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Les gradins craquent un peu, mais le chapiteau tient le coup. L'important étant que dehors on ne voit rien du tout de ce qui se passe en coulisses. Mon cirque a trouvé des complices. Vous croyez aux naïfs que mon cirque est seul dans son genre.